Bienvenue à vous, chers auditeurs qui suivez la radio Isanganiro, l'émission C'est Forum Jeune, que vous suivez tous les lundis à partir de 17h sur cette station. C'est l'émission qui vous parle des sujets qui passionnent les jeunes. Aujourd'hui, on va parler des avantages et inconvénients qui entourent la participation des jeunes filles burundaises, l'événement Miss Burundi, édition 2017. Cette émission vous est préparée par Alida Ndaikeza. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il s'observe depuis un certain temps un engouement à l'endroit des jeunes filles pour la participation à différents événements comme ceux liés à la beauté. Nous avons choisi de nous intéresser à l'événement Miss Burundi qui a mis en lumière les 18 filles qui vont représenter les 18 provinces qui composent le pays. André Akizimana, il est responsable en charge de la communication au sein de Miss Burundi. Il commence par nous expliquer en quoi consiste cet événement. Miss Burundi, c'est un événement d'abord national, puis c'est une institution parce que Miss en soi, c'est quelqu'un qui doit plaider pour plusieurs causes qui touchent certaines catégories de la société burundaise. Miss Burundi est organisée depuis 2016 par une entreprise qui s'appelle Burundi Events. A eu la licence d'exploitation pour organiser l'événement Miss Burundi pour les 5 prochaines années. C'est du main du ministre de la Culture que nous avons eu cette licence d'exploitation. On a connu 4 années d'absence de l'événement Miss Burundi. Notre premier événement Miss Burundi, c'était en 2009, en 2010, en 2011 et en 2012. Alors après, c'est 4 éditions, il y a eu absence. Nous sommes venus pour remettre sur les rails cet événement. Alors, depuis l'année passée, on a organisé le concours Miss Burundi. Nous étions dans un contexte politico-sécuritaire qui n'était pas très favorable pour organiser un événement pareil, mais on a tenu bon. Et puis, l'événement en soi demande beaucoup de moyens, mais on s'est dit qu'on doit y arriver. Alors, on a fait appel à plusieurs entreprises, plusieurs institutions, mais la réponse était attendez, organisez, on va voir. Certaines entreprises nous disaient, vous voyez le contexte, c'est économique, c'est pas vraiment très facile de financer, de sponsoriser un tel événement, mais on va voir. Comme nous sommes une nouvelle organisation qui doit organiser un événement national, nous devons surpasser tout ce qu'on dit, la politique, l'ethnie, le régionalisme et tout ça. On s'était dit, on va organiser une élection Miss et nous devons élire une Miss qui devra faire l'unanimité. Ange Bernice Ingabire a été élue Miss Burundi depuis le 14 août, vraiment, elle a déjà accompli pas mal de choses. On comprend très bien que vous avez des missions, des objectifs que vous avez déjà déterminés, mais quand on parle d'une Miss, une Miss Burundi, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est une fille qui ressemble à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle la différencie des autres filles d'ici au Burundi? D'abord, le concours Miss, nous devrons élire la fille la plus belle, mais aussi la plus intelligente. Comment vous faites pour savoir que c'est la plus belle? Est-ce que vous allez sillonner tout le pays pour choisir? On n'a pas sillonné tout le pays, mais on a reçu des candidates en provenance de tout le pays. On a lancé l'événement Miss Burundi 2017, c'était au mois de mars. On s'était fixé 55 jours pour les inscriptions. Durant les 55 jours, on a reçu une quarantaine de candidates qui se sont fait inscrites. Et parmi les candidates, toutes les provinces étaient représentées. Après cette phase des inscriptions qui a duré 55 jours, on a organisé un casting. C'est-à-dire, le casting, c'est pour passer devant un jury. Et c'est ce jury qui a évalué ces candidates. Il y avait des critères qui... Justement, parlons des critères. Comment vous avez choisi parmi les 40 pour garder les 10? Parce que vous nous aviez dit que les 18 représentent les 18 provinces du pays. Comment vous avez fait? Quels sont les critères pour ce choix? D'abord, les critères pour s'inscrire à Miss Burundi, ces critères étaient au nombre de 10. Il fallait être de nationalité burundaise. Il fallait résider au Burundi. Il fallait avoir entre 18 ans et 25 ans. Il fallait être célibataire et sans enfant. Il fallait avoir une taille minimum de 1m65 sans talons. Avoir un poids maximum 65 kg. Avoir une silhouette élégante. Représenter une province du pays et s'exprimer bien en français, en anglais. Dernier critère, c'était être disponible pour toute la durée du concours. Ce sont les 10 critères que nous sommes fixés et que les candidats devraient remplir pour s'inscrire. On comprend que parmi ces critères, il y a des critères qui ne sont pas directement visibles sur le corps de la fille. Est-ce que vous faites des investigations pour connaître si réellement elles n'ont pas d'enfants, qu'elles ne sont pas mariées? Comment vous faites? Pour s'inscrire, il fallait compléter un formulaire qui était là. Tu devrais donner toutes les informations te concernant. Après, nous, on a fait des investigations. Même s'il s'avère que la candidate a donné des informations erronées, elle peut être destituée. En plus de ces critères que le jury devrait vérifier, le jury aussi devrait écouter ses filles défendre leurs idées. Il fallait répondre à une série de 3 ou 4, 5 questions du jury. Pourquoi tu veux devenir Miss? Qu'est-ce que tu vas faire si tu es élue Miss? Et il fallait voir comment les candidates s'expriment. Par rapport à la formation. On a vu qu'elles sont en train d'être formées. On dirait que vous devez avancer avec celles qui ont déjà des notions. Est-ce que les formations qu'elles reçoivent au cours de la période qui est avant la finale, est-ce que vous pensez réellement que ça va changer quelque chose si c'est une personne qui n'a pas les notions de base? Les candidates, ils veulent apprendre. C'est vrai, nous avons des candidates qui proviennent des agences de mannequinat. C'est clair que ces candidates sont en avance par rapport aux autres en matière de comment marcher, comment défiler, comment se tenir. Mais aussi, il faut signaler que durant cette période de formation et de coaching, cette période est subdivisée en trois parties. La première partie, c'est former les filles sur les démarches, comment tenir sa silhouette bien devant les gens. La deuxième partie de cette période de formation, ce sera le coaching en matière de projet, de leadership et de self-confidence. Parce que chaque candidate a un projet, il faut l'aider, comment écrire un projet, comment défendre son projet. Et la troisième étape de la formation, ce sera la culture générale. Alors là aussi, on va travailler beaucoup sur la géographie, l'histoire, l'environnement. On a compris que vous développez leur talent pour ce qui est de la conception des projets. Une certaine opinion aime dire que seul compte la beauté. Est-ce que c'est ce que vous voulez bannir ou vous êtes de cet avis? L'élection Miss Burundi 2017 est organisée sous le thème « Les femmes comme acteurs clés dans le développement socio-économique du pays ». Alors tous les projets que les candidates doivent tourner autour de ce thème. Nous, ce qu'on fait, c'est quoi? Si tu deviens Miss, tu dois défendre une certaine cause. À part mettre en avant la beauté, c'est aussi l'intelligence. C'est aussi l'intelligence, c'est aussi un projet réalisable pour une période de 12 mois aussi. C'est une année de règne. On va les coacher en matière de leadership. Parce que si tu deviens Miss, tu deviens leader aussi. Tu deviens un exemple. Tu devras représenter le pays dans les concours à l'échelle régionale, dans les concours à l'échelle continentale, tout comme à l'échelle internationale. Alors, il faut aussi la former en matière de l'amour de la patrie. Une Miss aussi, c'est défendre les couleurs du pays. Miss Burundi ne serait rien sans les candidates qui y participent. Elles nous ont indiqué où est née cette passion pour cette activité. J'étais passionnée d'être Miss Burundi. Donc, j'ai pensé d'en m'inscrire il y a 5 ans. La personne qui m'a inspirée, c'était la première Miss Burundi, Alida Kaneza. Est-ce que tu la connaissais? Tu la voyais seulement à la télévision? Oui, je la voyais. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu à travers elle pour que tu choisisses à venir t'inscrire pour cette édition? Elle était motivée. Parfois, elle faisait des visites pour les orphelins et les orphelines. Ça m'a touchée. Mm-hmm. Ouais, c'est pourquoi elle m'a inspirée. Je me suis inscrite dans cet événement, Miss Burundi, parce que depuis toute petite, j'aspirais à devenir une icône de la mode, une icône de la beauté. Et cet événement m'a donné des voies pour me découvrir moi aussi. Est-ce qu'il y a une influence dans la famille, dans la connaissance? Est-ce qu'il y a des personnes que tu connais qui ont déjà participé à l'événement ou qui sont des mannequins? Je connais des personnes qui m'inspirent, mais que je ne connais pas personnellement. Des icônes de la mode qui m'inspiraient depuis toujours. Et je voudrais devenir comme elle. Et qu'est-ce que ça représente, Miss Burundi, pour toi? D'abord, être une Miss, c'est d'abord avoir de l'intelligence et être belle et être sûre de toi-même. Et représenter ton pays dans la diaspora ou ici même au Burundi. Est-ce que la famille a bien accueilli ton inscription à Miss Burundi? Ma mère m'a encouragée et mon père aussi. Donc, je continue à viser loin pour atteindre mes objectifs. Est-ce que la famille a été compréhensible quand tu as eu ton ticket d'entrée pour cet événement? Depuis toute petite, je disais que je voudrais bien devenir un jour quelqu'un, notamment une Miss et pourquoi pas une top modèle reconnue mondialement. Oui, donc ça a été comme une réalisation. Donc ils ont pu voir que j'arrivais à mes fins et ils ont apprécié beaucoup. Une certaine opinion qui dit que être Miss, c'est un peu quelque chose qui est différent de la culture burundaise. Est-ce que tu partages cette opinion? Non, je pense pas. Mm-hmm. Ouais. C'est différent, c'est comment? Non, c'est pas différent. D'abord, être une Miss, il faut d'abord connaître la culture burundaise. Donc si tu fais le contraire, là, je pense que c'est pas une Miss. Une certaine opinion qualifie ou compare la Miss Burundi ou une Miss des autres éditions que c'est un peu en dehors de la culture burundaise. Est-ce que tu partages cette opinion? En fait, il faut qu'ils sachent que Miss Burundi, ça défend les valeurs de la culture burundaise. Donc, tu ne peux pas être Miss Burundi sans que tu connaisses la culture burundaise, les valeurs que tu dois défendre. Que ceux qui disent que c'est outre la culture burundaise, vraiment, ils ont tort. Comment tu pourrais leur faire comprendre que c'est pas totalement décalé? C'est pas totalement décalé. Le fait que la Miss Burundi, elle a surtout le sens de l'humanité. Elle représente la beauté burundaise. Et les séances de coaching, ça va? Les séances c'est pas trop fatigant pour tout le monde. Les séances de coaching, vraiment, on apprend beaucoup. Il faut surtout se concentrer et ça demande beaucoup d'énergie, c'est vrai. C'est très fatigant, mais quand même, on apprend beaucoup. On aime dire qu'une Miss doit être seulement belle. Est-ce que c'est la beauté seulement qui compte pour être Miss? Bon, même dans les séances de coaching, on nous enseigne de faire sortir la beauté intérieure. La beauté, on peut la définir comme une beauté extérieure, donc ce qu'on voit, comment tu es perçue, et aussi la beauté intérieure. Mais tu peux paraître belle et ayant un caractère qui est déshonorant. Quelle intelligence dans tout ça? Quelle est la place de l'intelligence dans cette compétition? L'intelligence s'inclut dans la beauté intérieure. Le fait de parler, l'attitude, la personnalité, savoir comment gérer les choses, ça fait partie de l'intelligence, de se comprendre, s'exprimer. Même en choisissant un projet, tu ne prends pas n'importe lequel. Ce qui tient à cœur, en principe, le Burundi. Guilain Hakizimana, il est coach à Miss Burundi. Il aide les jeunes filles à développer leurs talents. Je suis coach, j'aide les jeunes talents à découvrir leurs points forts et à miser sur leurs points forts pour atteindre le succès d'une façon simple et rapide. Et dans Miss Burundi, vous êtes toujours coach? Dans Miss Burundi, je suis toujours coach, ce qui est une bonne chose. J'aide les Miss à découvrir chacune son point fort parce qu'il est plus simple de gagner quand on se base sur nos points forts plutôt que nos faiblesses. Et chacune des Miss a une qualité. D'habitude, je dis zéro défaut, plein de qualités. Ça veut dire une qualité qu'on n'utilise pas peut devenir un défaut ou une qualité qu'on utilise mal peut devenir un défaut. Alors pour moi, je soutiens qu'on a zéro défaut, on a des qualités. Et chacune des Miss est capable de développer la qualité encore cachée qu'elle a. Est-ce que tu leur donnes l'opportunité de le découvrir ou tu développes des recherches que tu as fait et puis tu leur dis d'aller faire une méditation par rapport à cela et puis elles vont revenir pour te dévoiler leurs qualités? Comment tu fais? Comment je fais? Quelle est la magie? Elle est toute simple. Elle est en trois étapes. La première étape, c'est l'information. Je les informe sur certaines qualités qui existent dans chaque être humain, telles que le tempérament. Quelqu'un qui se connaît, comme dit l'autre, connais-toi toi-même. Et la deuxième étape, après l'information, c'est la formation. Tu aides la personne à savoir s'organiser. Chacun de nous a ses 24 heures, mais on les utilise mal parce qu'on n'a pas eu la formation. On ne nous a pas amené à organiser notre temps. Et la troisième partie, c'est le coaching. Ça veut dire l'accompagnement. Être présent maintenant, les retours, qu'est-ce qu'elle en a fait de ce qu'on lui a appris. Et là, ça passe par des exercices que je leur donne, qu'on choisit, parce que moi, je choisis pas des objectifs à leur place, mais c'est elles qui disent, après avoir observé leur tempérament, leur être, leur ADN, leur cocktail, qui disent qu'elles aimeraient bien en faire. Et après, on fait des devoirs et au retour, on voit à quel niveau elles sont. Bref, ça passe par les trois étapes, information, formation, accompagnement. Et si une des filles n'a pas suivi le conseil que tu lui as donné, qu'est-ce que tu fais par après? Si elle n'a pas suivi, ça veut dire qu'elle était calée à autre chose. Alors, je me contente d'écouter d'abord ce qu'elle est là encore. Ça veut dire, quand tu laisses quelqu'un, tu es chauffeur de bus, que tu as laissé quelqu'un, tu te rends compte que la personne n'est pas dans le bus, la chose à faire, c'est retourner au point où tu l'as laissé pour pouvoir avancer. Donc c'est aussi simple que ça. Chacune d'elles a des capacités énormes et des potentiels qu'elle peut rapporter au Burundi et qui peut faire beaucoup de bien au Burundi. Est-ce vraiment un travail qui est facile parce qu'on comprend que c'est un changement de comportement que tu imposes parmi ces filles? Oui, c'est très simple. Pourquoi? Parce que l'être humain est déjà un gagnant, un conquérant. Depuis tout petit, on apprend à marcher. C'est un objectif. Depuis tout petit, on apprend à avoir des points en classe. Passer d'une classe à une autre, c'est un grand objectif aussi. Donc maintenant aussi pour les Miss, est-ce que c'est facile? C'est facile. Pourquoi? Parce que elles se sont déjà inscrites. Alors qu'il y avait d'autres qui étaient encore peut-être plus douées, qui sont dans les agences, mais qui ne sont pas venues. Un conseil à l'endroit de ces Miss qui se sont déjà fait inscrire pour cette édition? C'est que qui veut faire une chose trouve le moyen de le faire. Qui veut pas trouve des excuses. C'est la phrase qu'on utilise constamment avec elle. Ouais. Et pour celles qui voudraient bien s'inscrire pour les éditions qui vont suivre, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ah, une autre phrase super intéressante que je partage avec les gens, c'est « Je rêve ma vie aujourd'hui pour vivre ma vie ». Elles doivent commencer à rêver leur vie. Qu'est-ce qu'elles veulent aujourd'hui? Commencer à rêver pour vivre leur vie, peut-être demain ou après-demain. Mais ça commence par un rêve. Quel rêve d'or. C'est des étapes qu'on doit faire bien avant. Oui, oui, oui. C'est savoir d'avance ce que tu veux et après chercher un plan et après persévérer. C'est aussi simple. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Vous suivez l'émission Forum Jeunes. Aujourd'hui, on parle des avantages et inconvénients qui entourent la participation des jeunes filles à l'événement Miss Burundi édition 2017. Egide Nikiza a fait la sociologie. Il nous explique que l'engouement pour Miss Burundi est dû à plusieurs facteurs. Cet engouement est lié à différents facteurs. Entre autres, vous savez que lorsqu'on se fait élire Miss Burundi, on a l'opportunité de se faire entendre devant plusieurs personnes. On est recherché par différents médias pour pouvoir s'exprimer. Certes, d'un point, il y a la recherche, la quête de cette visibilité et que cette fille élue finit par mettre à profit en obtenant différents contacts, en enrichissant son carnet d'adresses. Et de l'autre côté, je peux parler du changement des mentalités, car on a vu lorsque ce concours de beauté Miss Burundi a commencé, des gens l'interprétaient de différentes façons. Il y en a ceux qui disaient que les gens, les filles qui se font élire, qui participent dans ce concours Miss Burundi, sont des filles qui ont été mal éduquées. Mais ces derniers jours, on observe que les gens commencent à s'intéresser du fait que la fille élue en tire des avantages considérables. On a observé qu'il y en a ceux qui ont pu avoir des véhicules, des bourses d'études, et j'en passe. De l'autre point, je peux citer de l'estime de soi. En se faisant élire Miss Burundi et qu'on est élue, on ne considère que la beauté, mais également on parle que la fille élue est une fille intelligente. Donc il y a différents points qui sont pris en considération, notamment la beauté, l'intelligence, car la fille élue durant l'année est considérée comme l'ambassadrice de la femme au niveau national. Dans la culture burundaise, on le sait très bien, les femmes et les filles n'aiment pas se faire remarquer ou se donner des compliments entre elles ou soi-même. Est-ce que le fait qu'une jeune fille pense qu'elle soit belle ou qu'elle a le corps qui se différencie des autres, est-ce que cela n'est pas un choc culturel? Certes, dans la culture burundaise, les filles n'avaient pas l'occasion de parler, de prendre la parole dans l'audience, dans le public. Mais je pense que ces derniers jours, cette culture commence à céder à une autre où la femme ose, où la femme est encouragée à prendre la parole dans le public, où la femme est mise au même pied d'égalité. Cela se remarque surtout dans les villes, dans les milieux intellectuels, on remarque que la fille est mise au même pied d'égalité que son frère, que l'homme. Par rapport alors à ta question, je ne pense pas que une fille, quelconque, puisse se montrer intéressée par un concours, la mettant devant, au-devant de la scène. Cela, je n'y trouve qu'un inconvénient. Plutôt, il faut que ces filles soient encouragées, car c'est un sens du leadership qu'il faut encourager, mais également dans d'autres choses, dans la gouvernance. Il faut que les filles, les femmes en général s'y retrouvent pour qu'ils soient vraiment mises au même pied d'égalité que leurs frères. Donc, on comprend que vous êtes en train de développer les avantages à participer à ces événements. Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients quand on participe dans ce genre d'activité? Tout à fait. Tu sais que l'on parle que chaque médaille a son revers. Certes, il y a d'un côté des avantages. J'ai cité quelques-uns. Par rapport au chapitre inconvénients, je parlerai du fait que l'élection au concours de beauté Miss Burundi peut empêcher l'heureuse élue de se consacrer d'une façon suffisante aux activités dont elle est chargée. Vous savez que les filles qui se font élire généralement sont des filles encore sur le banc de l'école en train d'étudier. Cela peut les empêcher d'étudier, cela peut les distraire, peuvent redoubler, alors que vraiment sont des filles intelligentes. Ils peuvent redoubler du fait que, étant élues, plusieurs organisations sont attirées, s'intéressent à elles. Ces organisations les contactent lorsque elles organisent des événements pour le parrainage, le marrainage. Là, je peux parler que d'une façon ou d'une autre, ils peuvent se retrouver distraites. Et cela peut entraver à leur avenir par le fait qu'ils ne consacrent pas un temps suffisant à ce qui peut leur servir dans l'avenir. Là, je ne parlais que leurs études. Au moment des inscriptions, il y a plusieurs filles qui s'inscrivent pour ces compétitions et par après, il y a le choix du jury qui garde, disons, les meilleures. À la fin, le plus souvent, il y a trois filles qui ont été choisies. Et par après, on aime dire que cette fille, quand elle a été choisie, elle a changé de comportement, elle a changé de manière de vivre. Est-ce votre avis? C'est normal, hein? Souvent, ou parfois, l'on peut dire qu'elles finissent par changer de comportement. Et je trouve cela normal, car à côté de cette casquette d'une jeune fille qu'elle portait comme toutes les autres filles, étant élue, elle porte une autre casquette de représentante de la femme au niveau national. Donc, elle se retrouve avec des galons, si je peux ainsi dire. Donc, elles doivent changer de look, elles doivent changer de comportement, elles doivent se montrer responsables. Mais je ne crois pas que ce soit dans le sens négatif, parce qu'elles sont élues, qu'elles puissent se montrer orgueilleuses, ça non. Mais j'oriente cela dans le sens de la responsabilité, car étant élu, on n'est plus tel qu'on était avant l'élection. On doit se sentir responsable, car on a été élu sur base d'un projet qu'il faut, après avoir élu, chercher à mettre en application. Et quand il faut mettre en application ce projet, il faut chercher des moyens, il faut mobiliser des moyens. Et pour mobiliser ces moyens, on ne doit pas rester tel qu'on était avant l'élection. On doit se montrer responsable. Personnellement, ce changement de comportement, je dois l'orienter dans le sens positif, dans le sens d'un intérêt pour le projet que l'on a présenté. À la clé de chaque édition, il y a des prix qui sont donnés aux finalistes, mais pour les avoir, il faut un concours de plusieurs personnes, comme l'indique André Akizimana, responsable de la communication au sein de Miss Burundi. Et pour organiser un événement pareil, ça demande beaucoup de moyens. Nous voulons réussir sur tous les plans, côté organisation. Cette année, nous avons en plus par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on a organisé un événement Miss Burundi dans le contexte que tout le monde connaît. La Miss qui a été élue n'a pas eu vraiment assez de soutien de notre part. Nous voulons corriger ces lacunes pour cette année. La Miss qui sera élue aura une voiture. C'est le grand prix pour cette année. Et la première dauphine, elle aura un compte bancaire avec 1 500 000 francs bou. La deuxième dauphine, elle aura un compte bancaire avec 1 million de francs bou. Alors d'abord, j'aimerais lancer un message aux entreprises burundaises. Nous avons encore une fois besoin de vous. Nous voulons vraiment organiser une élection Miss dans de bonnes conditions. Nous voulons lancer un appel à ces entreprises pour qu'ils sponsorisent un événement. Le Miss Burundi, c'est un événement national. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Jeunesse, Esprit et Culture, nous soutient et nous appuie. Mais cet appui n'est pas vraiment suffisant. Alors l'appel que je devrais lancer aux filles burundaises, aux prochaines candidats qui devront se faire inscrire pour l'élection Miss Burundi 2018. Soyez prêts pour une élection vraiment qui rassemble tout le monde, une élection sans aucune considération, que ce soit politique, ethnique, régionale ou religieuse. Nous voulons des filles qui ont cet amour de notre patrie. Des filles qui sont animées par un esprit de promotion des valeurs de la femme, de promotion de la culture burundaise. Et même les parents, il y a des parents burundais qui n'ont pas encore compris le sens de l'événement Miss Burundi. Certains parents croyaient que c'est des choses vraiment qui ne cadraient pas avec notre culture, mais c'est vrai que l'événement Miss Burundi, c'est un événement culturel. Et je pense que les parents aussi doivent encourager les enfants à venir s'essayer dans ce concours. En plus des prix que l'on gagne, mais aussi il y a de l'expérience. Parce que être élu Miss, ça te donne aussi une plateforme pour rencontrer des gens, que ce soit le monde diplomatique ou le monde des organisations ou le monde institutionnel burundais. Egide Nikiza souligne qu'un caractère de responsable doit guider les candidates à cette compétition de Miss Burundi. Quand on est élu, il ne faut pas se montrer distraite par cette nouvelle casquette que l'on doit porter, ne fût-ce qu'une année seulement. Il faut plutôt chercher à concilier les activités dont on était chargé avant l'élection de Miss Burundi, mais également les nouvelles responsabilité dont on est chargé. Comment concilier ces responsabilités? Il faut s'organiser, il faut exercer telle ou telle autre activité en fonction de son temps. Il ne faut pas consacrer plus de temps à ces activités liées à l'élection Miss Burundi seulement, car après avoir été Miss, la vie continue. Il faut préparer sa vie, surtout que la plupart des jeunes filles élues se retrouvent encore au banc de l'école. Il faut que elles consacrent plus de temps à leurs études. Il faut qu'elles continuent à se montrer comme elles étaient, à part le sens de responsabilité qui doit être mis en exergue. Mais je pense qu'il faut une organisation, répondre à ces exigences liées à son élection au concours Miss Burundi, mais également s'occuper des activités liées à sa vie courante. Et quelle est la place des parents dans la réussite ou dans l'échec d'une Miss? Les parents, comme dans la vie en général, ont un rôle incontournable, un rôle irremplaçable. Il faut que les parents soient à côté de leurs enfants, les encouragent, car personnellement, je ne trouve pas que ce soit empêché de se faire élire dans le concours Miss Burundi. Il y a moyen d'y tirer des avantages, il y a moyen de mettre à profit son élection dans son concours-là. Donc il faut que les parents soutiennent leurs enfants avant le concours, pendant le concours. Il faut que lors de la finale, si leurs enfants ont l'opportunité de se retrouver en finale, il faut qu'ils soient là pour les encourager. Même après le concours, il faut que les parents restent à côté de leurs enfants, car si ils les laissent, leurs jeunes filles peuvent se retrouver distraites par celui-ci ou celui-là, croyant que elles sont devenues majeures, qu'elles n'ont pas besoin de l'appui de leurs parents. Pour les filles qui n'auront pas la chance d'être parmi les trois finalistes, quel est le soutien que peuvent leur apporter leurs parents? Il faut que les parents les soutiennent également, car certes, on ne peut pas être élus toutes. Dans une compétition, il y a toujours les gagnants. Et je crois que ceux qui ne gagnent pas déméritent ça, non. C'est parce qu'il faut qu'il en soit une qui soit gagnante. Le soutien que les parents peuvent apporter à leurs enfants, à leurs jeunes filles qui n'ont pas pu être élues. Il est simple, il faut que les parents soient également à côté de ces jeunes filles et les encouragent pour que, même dans les compétitions prochaines, elles puissent participer, car, comme l'on dit, l'essentiel c'est de participer. Et il peut y avoir une dépression à l'endroit de ces jeunes filles. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on comprend que la jeune fille a été vraiment déçue? Certaines peuvent participer étant convaincues que ce sont elles qui en sortiront gagnantes. Là, c'est un problème. Il faut plutôt que, avant de participer, elles intériorisent que elles peuvent gagner ou ne pas gagner. Donc, ayant cette idée en tête, elles sauront comment gérer et la victoire et l'échec. Si il advient que les jeunes filles ne se soient pas préparées à la défaite, il faut le travail peut-être des psychologues. Et lorsqu'il s'agit de la dépression, ceux qui peuvent aider la jeune fille pour s'en sortir indemne, c'est le psychologue. Il y a certaines candidates avec lesquelles on a parlé. Elles ont indiqué que l'environnement qui est en dehors de la famille, souvent, il y a ceux qui peuvent les critiquer, qui peuvent ne pas bien parler de cet événement. Est-ce que vous pensez que l'environnement doit être d'accord totalement avec le choix de ces jeunes filles? Lorsque l'on vit dans une société, l'on doit, dans une certaine façon, se conformer et aux exigences, bien sûr acceptables, de sa famille, mais également de la société en général dans laquelle l'on se retrouve. Il peut arriver que la société se montre très exigeante, de telle sorte qu'il soit difficile de s'y conformer. Là, je ne vois pas une autre solution, une solution miracle. Il faut participer, il faut se montrer, s'organiser tel que l'on peut, s'il le faut, se priver de ces exigences dictatoriales que la société veut imposer à tel ou tel autre. Pour le cas de ces jeunes filles, la compagnie, le voisinage, les amis peuvent coller à ces jeunes filles des images qui ne sont pas les leurs. Là, je crois que les jeunes filles n'ont pas de quoi s'inquiéter. Il faut plutôt qu'elles pensent à leurs objectifs. Si vraiment elles participent pour un objectif noble, la visibilité, le changement des mentalités, l'estime de soi, car l'élection dans ce genre de concours peut conduire à différents avantages. L'on peut gagner une bourse d'études, pouvoir étudier dans une université meilleure par rapport à laquelle l'on fréquentait. On peut des fois gagner une voiture, pouvoir mettre à profit cette casquette de Miss Burundi et décrocher un travail. Si l'on a ces objectifs en tête, il faut continuer, il faut percer, il faut se passer de ces considérations des uns et des autres qui ne constituent que des obstacles pour pouvoir arriver à la concrétisation de son rêve. C'est sur ces conseils que nous clôturons cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes avec lesquelles je me suis entretenue. Vous étiez avec Alida Ndaïkeza. À la prochaine.